On va parler de basketball local. L'équipe de la polyvalente de Normandin a terminé sa saison cette année. On a terminé en fin de semaine. Question de savoir un peu comment ça a été. Est-ce qu'on est content de la progression du programme? On parle avec celui qui s'en occupe pas mal, François Potvin. Salut François. Oui, bonjour. François, c'était quoi la troisième, quatrième année du programme? Si on parlait un peu du programme, est-ce qu'on a senti une progression? Énorme. Notre Ouais. troisième année, on a maintenant deux équipes, une équipe juvénile là, secondaire 3, 4, 5, puis une équipe Benjamin secondaire 1 et 2. OK. Énorme progression. C'est autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Là, je peux dire que les jeunes n'en mangent du basketball. J'ai des jeunes là, qui ont réussi, juste pour te donner, de faire une petite anecdote, là, ils ont fait une demande à la direction pour avoir une permission pour aller s'entraîner à tous les matins avant l'école. Ah oui, c'est une bonne affaire, ça. C'est l'enfer. Est-ce que la permission a été acceptée, sûrement? Oui. Fait que le matin, ils se font emmener à l'école par leurs parents plus tôt OK. pour aller pratiquer dans le gymnase avant que l'école commence. OK. Comment vous êtes à peu près de joueurs et joueuses de basket? À peu près 25, OK. répartis dans deux équipes, là. Environ 11 Benjamin puis 14 juvéniles. C'est-tu rendu, on peut dire, le plus gros sport de la polyvalente de Normandin? Je croirais pas, par exemple. OK. Le volleyball est encore en bonne santé. Le cheerleading va super bien. Non, la polyvalente là, a trois belles offres de sport là, qui permet aux jeunes là, de s'identifier puis de se reconnaître dans leur sport. Là. Non, trois belles offres, là. OK. Quand tu dis progression, au niveau du rendement aussi, au niveau des inscriptions, ou bien les deux? Oui, niveau d'inscription, comme je vous disais, là, Ouais. juvénile, on est maintenant 14. On a beaucoup de jeunes là, qui s'inscrivent, qui découvrent le basket. Puis sur le terrain aussi, là, on s'était donné là, des objectifs précis en début d'année. On a été précis. Puis on les a tous dépassés là, déjà cette année. Là. OK. Si on parlait un peu, il me semble que ça finit de bonne heure. Hey, mois de mars, c'est de bonne heure, là. Oui, c'est sûr qu'on en. Ça C'est la pourrait réalité commencer scolaire, hein? fin mai, je sais pas, quelque chose de même. C'est Non? la réalité scolaire. Ils veulent mettre la priorité un peu aussi sur les études, puis je comprends, là, tu sais. Parce que on est quand même assez intense. C'est quand même exigeant, là, les fins de semaine, les déplacements, puis de se rendre au Saguenay, de se rendre un peu partout. OK. Fait que, tu sais, ils veulent vraiment, après ça, que les jeunes prennent la place, là, mettre la priorité aux études, là. OK. Est-ce que c'est sûr que, étant donné que c'est un programme scolaire, tu peux pas faire progresser ça, t'as pas vraiment de pouvoir là-dessus, mais est-ce que t'entends quand même publiciser davantage pour encore que ça continue, puis as-tu des idées là-dessus? Oui. Oui, ça n'arrête pas. Puis déjà l'année passée, là, on a tenu, là, on a appelé ça notre pré-camp de basket. Là, on a OK. invité toutes les sixièmes années, puis les nouveaux qui allaient être en secondaire 1 à venir faire une journée un samedi avec les joueurs. Là, on a tenu une petite journée de basket là, à Polyvalente. C'était surtout de créer des liens avec les joueurs, familiariser les nouveaux avec l'école, leur montrer que c'est pas si épeurant que ça, et ainsi de suite. Là, si on veut leur faire, on regarde aussi là pour peut-être offrir un camp de basket au mois d'août aussi là, pour remettre un peu les joueurs en forme avec la saison commence. Oui, il y a des activités là. On veut inculquer un peu là, la notion de basketball là, dans le secteur, si on veut, là. Réinculquer, parce qu'elle a déjà été là. OK, ouais. Elle s'est effacée un peu avec le temps, là, mais là, c'est s'investir à un beau programme. Normandais, on s'en vient bien. Là, on aimerait ça là, Delbault, est-ce que tu travailles avec Delbault? Est-ce que Delbault est une possibilité? Ça dépend toujours des gens qui y croient, hein? Ça dépend toujours du monde pour y En croire effet, aussi, là. Est-ce que je Delbault, sais il que y j'ai a des entendu pourparlers? là, en fin de semaine, on était au championnat de fin de saison, justement, là, puis avec David Boudreau là, de Saint-Vicien, puis avec Stéphanie Tremblay du réseau. Ils m'ont parlé là, justement qu'il y avait des. Ils ont entendu des choses du côté de Dolbeau, là. Fait Ah, OK, on a ça. tendu l'oreille, puis on regarde ça aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que. J'en sais pas plus, je ne sais pas qu'est-ce que ça va arriver. Ce serait tellement. C'est ça que je disais aux personnes concernées. Je dis, moi, mon rêve, ce serait de réussir un jour à faire une conférence Lac Saint-Jean, là. Avoir assez d'équipes pour être capable, après ça, de jouer quelques matchs contre le Saguenay, mais avec le processus de conférence, ce serait merveilleux, là, autant pour les jeunes que pour tout le monde. Là. OK. Non, on continue de travailler. Moi, j'ai l'espoir. OK, c'est sûr qu'eux autres, quelque part, tu sais, je veux dire, on s'est développé pareil. Puis, est-ce que tu sens que le basket, Parce que je sais qu'en province, le basket, c'est chez les jeunes. Je te dirais même que c'est le sport quasiment numéro un avec le hockey. Est-ce que tu sens que vraiment que à Normandie, au moins, le basket progresse à ce point-là? Les gens parlent de basket, les jeunes aiment le basket. Oui. Je le vois. Je le vois bien que les Benjamins. Tu sais, les Benjamins arrivent. Il y a beaucoup qui sont arrivés du primaire cette année. C'est le basket, leur expérience de basket, c'est le mini-basket qu'ils ont eu un peu à l'école. Tu sais, il n'y a pas grands-parents qui écoutent le basket à la Non. télévision, là, au contraire, si on compare au hockey, ainsi de suite, puis on n'en parle pas, pratiquement pas, Moi, j'en parle. comparativement au hockey. Oui, t'es pas mal un des seuls, je pense, dans le haut du lac, à Ouais. parler de basket. Fait que, tu sais, c'est pas... Fait que, puis là, je vois l'intérêt qu'ils ont, comparativement, quand ils sont arrivés, puis tu sais, c'est plus la même chose, là, ils commencent déjà, là, à s'intéresser, puis ils commencent à avoir la piqûre de plus en plus, là. Ça, je le vois, puis je le sens, là. OK. Avec les inscriptions, est-ce que tu penses que l'équipe va être encore meilleure l'an prochain? Oui. Pareil. Côté juvénile, j'avais seulement un joueur de secondaire 5. OK. Fait que on garde encore là, tout le noyau va être encore là. Du côté Benjamin, j'ai trois joueurs qui vont nous quitter pour l'équipe juvénile, justement. Fait que j'ai encore un bon noyau aussi. Non, c'est ça, hein, le sport étudiant, c'est souvent ça, c'est des vagues, hein. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, je suis encore dans le haut de la vague, là. On est fort OK. descendu. L'année prochaine devrait être une belle année. OK. Parce que ça dépend toujours aussi du pic, des inscriptions, puis ainsi de suite, là, aussi, là. En effet, c'est OK. ça. C'est toujours plus il en pousse, ben, tu connais le sport, hein, plus ça pousse Ouais. par en dessous, plus en Ouais. haut, faut que ça pédale aussi. Hein. Ouais. Mais ça doit t'encourager aussi je me rappelle avoir fait tes premières entrevues avec toi, les règlements, et ainsi de suite, t'initiais vraiment les jeunes au basket, là. C'est plus vraiment le cas, là. C'est ça qui est le fun, là. Non, non, non. Là, on est passé à. On évolue, puis on passe à une autre vitesse, là. C'est rendu une c'est un programme. Là, on peut parler de programme de basketball, on peut parler d'équipe sérieuse. Y a-t-il quelque chose peut-être à améliorer, par exemple, les relations avec avec l'école ou ainsi de suite, ou encore financement pour que le programme s'améliore encore davantage? C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, ça c'est certain. Ouais. À côté, avec l'école, vraiment, ça va super bien, là. Ben ouais. Notre responsable des sports, c'est Danny Guimond, là, tu dois bien connaître, là. Ouais. Super bon, puis tu sais, la direction, il nous écoute bien, puis ça va bien. OK. C'est sûr que, puis ça, c'est un travail que je vais avoir à faire à un moment donné aussi, c'est, appelons ça les filiales, si on veut, mais ça va être avec le mini-basket, là. Ouais, Ça pour va être de créer initier des les jeunes, liens. c'est sûr. Oui, c'est ça, pour que ça commence plus tôt, pour que Au avoir les primaire, est-ce que c'est objectifs quelque chose au précis. primaire que tu pourrais même travailler? Ça se peut se travailler de ce côté-là, là. Oui, c'est ça que je viserais. Il faut vraiment qu'on aille chercher les cinquièmes, sixièmes années là, pour que ça commence. Là, parce que la clé est là. On parle avec les équipes, là, les grosses équipes dans la région, puis tout leur programme est commencé depuis quatrième, cinquième, sixième année. Là. Ouais, c'est Fait sûr. que si on réinvente rien, il faut juste Non. commencer là, là. Hey, François, en terminant le baseball, je sais que tu t'occupes encore du baseball en Normandin. T'es pas sans savoir qu'il va y avoir du deck hockey de Lebeau-Mistassini prochainement. Oui, j'ai vu ça. Comment tu vois passer ça? Est-ce que c'est sûr que le deck, c'est très fort. On le voit à Saint-Prime. Juste avoir l'engouement, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'engouement aussi. J'ai l'impression que c'est les autres sports qui vont en souffrir. Comment tu vois ça, là? Moi, je suis quand même positif. Moi, tu sais, je suis pas originaire de la région. Hein. J'étais en région depuis fin des années 90. Puis je me rappellerai la première chose que je me suis posée comme question quand j'étais arrivé en région, je me demandais comment ça se fait qu'il n'y avait pas de décor hockey. OK. C'est une culture de hockey comme on a là. Puis le décor hockey, l'été, moi, je trouve que c'est un super de beau sport. Moi, toute ma jeunesse, j'ai joué au décor hockey le jour, puis j'allais jouer au hockey, au baseball le soir. Fait que OK, ouais. j'ai confiance que quand les jeunes veulent, ils sont capables, là. Tu sais, tu te rappelles quand on était jeunes, là, Ouais, du mais moi, sport mur à mur, du c'était matin de la jusqu'au soir, balle c'était molle. C'était de la rien. balle molle et du hockey. C'est ça, ça se faisait, là, on était capables physiquement, là. Ouais. Fait que je pense que ça peut se faire si les intérêts sont là. Puis comme on dit tantôt aussi, c'est toute une question des gens en place qui vont l'offrir aussi. Tu sais, si les responsables se disent, oh, ben, cette année, c'est le décor hockey puis le baseball, le jeune n'ira pas, là. Mais si on l'offre, puis on le rend possible, tu sais, faire arrimer les horaires, et ainsi de suite, ça se fait, là. OK. Okay. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, François. C'est pas mal le fun de voir que ça en prend des bénévoles, hein. Puis je sais que dans le coin de Normandie, tu en impliques beaucoup, que ce soit au baseball, que ce soit au basket. C'est pas mal le fun, puis bravo encore une fois pour ton implication. Puis bon March Madness, parce que je te vois aller, là, puis t'as de l'air à triper, t'as de l'air à triper basketball pas mal. Fait que. Non, oui, surtout au mois de mars. Le mois de mars, c'est d'après moi le plus beau mois de l'année, là. Tu sais, le baseball commence, puis le Ouais. tournoi annuel. C'est sûr, c'est sûr. Bon, ça parle bientôt. Excellent, merci François beaucoup. Potvin de Normandin.